Ces panneaux signalent une issue de secours, oui, réponse A, non, réponse B. Un poste d'appel d'urgence, oui, réponse C, non, réponse D.